de valeur est toujours l'objet de critiques. Là, j'aime beaucoup qui m'oppose à lui comme malin. Utana songa kikini bandoto senga na yo. Papa se tungi singa e bale kabolinga na yo. Nako kati sa nenge nininga e kogwa tote. Ka imbete, ya solo bolingo e tumu. Vieux babo, papa na amansi. Utana songa kikini bandoto senga na yo. Papa se tungi singa e bale kabolinga na yo. Nako kati sa nenge nininga e kogwa tote. Le big boss Jean-Gan passe na comme non et que il n'a pas pépé. Voilà, voilà l'anga Jean-Claude et ma femme. N'a que collé la jibé en soulouni kabamba katama. Luna kili kundi nanda koyampa mo pepe ya kaina ebuka kiyango Jonas kanga karna se mulamba edite ngai komwa missioni na yebi pumute abiba kwa fire sane jibe piana alema kababa sakani basali wende musa.